L'actualité à Nancy et ailleurs. Le centre de secours de Dombasle-sur-Meurthe ouvre ses portes ce samedi 8 juin de 9h à 18h. Et bien, pour nous en parler, nous avons au téléphone David Pierre. Bonjour. Bonjour Yves, merci de m'accueillir sur Fadjet. Mais avec plaisir. Alors, vous êtes adjudant-chef et pompier volontaire, c'est ça ? Voilà, pompier volontaire au centre de secours de Dombasle depuis 30 ans et organisateur de la journée porte ouverte du 8 juin. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez cette journée porte ouverte à Dombasle ? Alors, ça fait très très longtemps que ça ne s'était pas passé. La dernière doit dater de 2014, donc il y a 10 ans. Alors, pourquoi aujourd'hui relancer justement un temps fort comme ça ? On avait envie, hein, ça se fait beaucoup dans différents centres, donc on a eu envie de vouloir organiser une journée porte ouverte, parler de les différentes missions et fonctions des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et également lancer un petit peu de stand de recrutement. On va voir un peu ce qui va se passer ce jour-là. On parle de pompiers volontaires. Ça veut dire quoi, pompiers volontaires ? Alors, pompiers volontaires, donc c'est des personnes qui ont une activité de sapeur-pompier en plus de leur travail ou de leurs études. Et vous êtes pompier volontaire depuis longtemps ? Ouais, depuis presque 30 ans. On peut démarrer tôt ? Ah oui, on peut commencer à être pompier volontaire à partir de 18 ans. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer lors de cette journée porte ouverte au centre de secours de Dombasle. On va découvrir le centre, bien sûr, et aussi tous les métiers. Voilà, hein, découvrir le centre, les différents véhicules, une exposition également de matériel, et puis différents stands sur les gestes qui sauvent, le métier donc de sapeur-pompier, et puis différentes spécialités comme le sauvetage animalier, comme les maîtres chiens qui seront présents également avec l'équipe cynophile du département. Un stand également avec les plongeurs, hein, qui sont quand même toutes des spécificités en plus de toutes les fonctions de sapeur-pompier. Et puis également différentes manœuvres le samedi. Donc on commencera par des manœuvres de techniques de sauvetage, sauvetage à l'échelle et sauvetage au lot de sauvetage. Après ça, une manœuvre sur un incendie de voiture à carburation traditionnelle. Et l'après-midi, on fera une manœuvre sur donc simulant une fuite de gaz. Et pour terminer, une simulation, donc accident de circulation entre une voiture et une trottinette. Donc un programme bien chargé, mais qui va permettre vraiment de découvrir tous les aspects du métier de pompier et pompier volontaire aussi. Voilà, puis tous les renseignements seront donnés sur place. On avait également lancé un concours de dessin parce que le vendredi 7, on accueille 300 scolaires de la ville de Dombasle. Mmh. Et le concours de dessin était axé sur la sécurité et la prévention routière. Donc les dessins vont être également exposés lors de notre journée porte ouverte. Et en fin de compte, le concours donc avait primé le groupe scolaire Jacques Prévert à Dombasle, donc qui remporte le concours de dessin. Et tous les élèves qui viendront également le vendredi repartiront du centre de secours avec un petit présent offert par l'amicale. Le métier de pompier, ça fait toujours rêver les enfants aussi ? Oui, ça fait rêver les enfants, ça fait rêver les adultes aussi. Oui. En sachant qu'on a nous sur notre secteur des gens qui se sont engagés comme pompiers volontaires qui avaient plus de 40 ans. D'accord, donc il n'y a pas forcément d'âge. Il n'y a pas forcément d'âge. Et un pompier volontaire peut aller jusqu'à 65 ans dans sa fonction. Alors, vous avez parlé d'une exposition aussi. Est-ce qu'on peut en dire deux, trois mots ? Parce que c'est un passionné qui la propose. Oui, voilà. Donc, ça sera une exposition avec une présentation de différents casques, différentes tenues, avec un partenaire donc de l'AXOU, Patrick Masse, qui est quand même très, très souvent présent sur différentes expositions chez les sapeurs-pompiers. Et donc, voilà, lui, il a tout à son domicile. Il met à disposition lors d'expo. Donc, voilà, il y aura des miniatures, il y aura des casques, il y aura également des différentes tenues, des pucelles d'uniforme, des choses comme ça. Donc c'est ce samedi 8 juin de 9h à 18h au centre de secours de Dombasle-sur-Meurthe. Je vous laisse le mot de la fin, David Pierre, pour donner envie aux auditeurs, petits et grands, de venir découvrir et pourquoi pas découvrir une passion. Voilà, donc oui, n'hésitez pas à venir nous voir, vous verrez, il y aura plein de choses à voir, plein de discussions également avec nos différentes équipes. Et puis, voilà, si vous avez un petit peu de temps libre en plus de votre travail ou de vos études, eh ben, rejoignez nos rangs en contactant le SDIS 54, donc www.1054.fr. Merci beaucoup, David Pierre. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.